Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 1942, l'assassinat de l'amiral Darlan. Le 8 novembre de cette année-là, les Alliés débarquent en Algérie et au Maroc, colonie soumise aux ordres Vichy. C'est un tournant de la Seconde Guerre mondiale, le premier revers stratégique pour les forces de l'Axe. Un nouveau front au sud de l'Europe, c'est le début de la fin. À Alger, les semaines qui suivent le débarquement sont marquées par une immense confusion. Les vestes se tournent et se retournent pour donner naissance à d'improbables alliances. Les Américains s'empressent d'adouber l'amiral Darlan, le dauphin de Pétain, qui se retrouve nommé haut-commissaire de la France en Afrique, autrement dit un traître à la tête de la France libre. Quelques semaines plus tard, le 24 décembre 1942, il est assassiné. Le sujet a suscité maintes polémiques. Et aujourd'hui encore, près de 80 ans après les faits, le mystère demeure. Qui a réellement commandité le meurtre de Darlan ? Les gaullistes ? Les monarchistes ? Ou bien quelques services secrets qui auraient manipulé les uns et les autres ? L'assassin pourtant est connu. Arrêté sur le champ, pris en flagrant délit, il s'appelle Fernand Bonnier de la Chapelle. Il a 20 ans et un sacré courage. Condamné à mort, il est exécuté moins de 48 heures après son acte, ce qui constitue probablement un deuxième assassinat. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon, autrice en 2019 d'une biographie inédite de Fernand Bonnier de la Chapelle, intitulée « Une juvénile fureur », parue aux éditions Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 24 décembre 1942, Alger-la-Blanche, plein soleil. Il est 15h. Une voiture entre dans la cour du palais d'été, une magnifique bâtisse ottomane, devenue depuis peu la résidence du haut-commissaire et président du Conseil d'Empire, l'amiral François Darlan. Il est de retour du déjeuner, accompagné par son aide de camp, le commandant Jean Ourcade. En cette veille de Noël, l'humeur est légère, le palais presque désert, les deux hommes bavardent un temps sur le perron avant de rejoindre leurs bureaux respectifs. Dans l'antichambre, un jeune homme attend, assis sagement sur la banquette, tiré à quatre épingles. Ourcade tourne à droite, passe devant lui, un regard à peine. L'amiral Darlan, lui, continue tout droit. Voilà, c'est l'heure. Sans trembler, le jeune homme se lève, sort son revolver et ouvre le feu sur l'amiral. Deux coups, puis un troisième. Touché au dos, Darlan glisse lentement sur le sol dans un gémissement. Le meurtrier, lui, se précipite vers la fenêtre ouverte, sur le jardin, prêt à s'enfuir. Mais déjà, le commandant Ourcade la grippe de toutes ses forces, le saisit au poignet, à la gorge. Les deux hommes se battent. Une lutte acharnée, l'un contre l'autre. Sur le pas de la porte, l'amiral Darlan, lui, agonise. Un quatrième coup de feu est tiré, par accident. Le jeune homme est projeté dans un coin de la pièce. Et à nouveau, le commandant bondit sur lui. Cette fois, le meurtrier vise, pour se défendre, droit dans les jambes. Cinquième coup de feu, Ourcade est touché à la cuisse, il est à terre. Alertés par les cris et les détonations, ils accourent de toutes parts. Le spahi de garde, le chauffeur, le secrétaire. Le jeune homme est cerné. Il lâche son arme, on l'immobilise, on le frappe, il crie « Je me rends, ne me tuez pas !» On s'empresse alors autour de l'amiral Darlan, le haut-commissaire, le président du Conseil d'Empire. Il gît sur le sol, inanimé. Du sang coule de sa bouche. Vite, la voiture, le chauffeur. Il est transporté à l'hôpital militaire Maillot, situé à l'autre bout de la ville. 20 minutes à tombeau ouvert. L'expression prend là tout son sens, car à l'arrivée, l'amiral est mort. Heure du décès, 15h55. En fin de journée, ce 24 décembre 1942, la rumeur court déjà la ville, des tables de réveillon jusqu'aux ondes américaines, plus ou moins bien informées. L'Amérique en guerre vous parle. L'amiral Darlan, commissaire en Afrique du Nord, a été abattu aujourd'hui alors qu'il arrivait à son bureau d'Alger. Le communiqué officiel des autorités françaises d'Afrique du Nord précise que l'on ne sait pas si l'assassin est italien ou allemand. Au palais d'été, le commandant Jean Hourcade attendra plus d'une heure avant d'être transporté à son tour à l'hôpital Maillot, inconscient mais tiré d'affaire. Pour le jeune meurtrier, direction le poste de police le plus proche. Devant le commissaire Garidacci, il vide ses poches. Un étui à cigarette, 730 francs en liquide et une carte d'identité au nom d'André Morand. Vraiment ? André Morand ? Les papiers paraissent suspects. Quelques heures plus tard, le jeune homme est démasqué. Il s'appelle en réalité Fernand Bonnier de la Chapelle. Il a 20 ans. Mais qui est ce jeune homme ? Pourquoi a-t-il voulu tuer l'amiral Darlan ? Et surtout, a-t-il agi seul ? Retour en arrière. Un mois et demi plus tôt, son destin et celui de l'amiral et de cette guerre tout entière ont basculé. Les Alliés étaient alors aux portes de l'Afrique du Nord. Novembre 1942, sur le port d'Alger, Fernand Bonnier de la Chapelle attend. Bagage dans une main, ticket pour le SSL Biarr à destination de Marseille dans l'autre. Son enfance, son adolescence se situent quelque part par là, de part et d'autre de la Méditerranée, entre la colonie et le continent. Il est né à Alger en 1922. Sa mère, Gianna, est italienne. Eugène, son père, à moitié. Alors à la maison, on parle italien, mais on ne rigole pas beaucoup. Fernand a 8 ans lorsque ses parents divorcent, et plus personne ne s'occupe de lui. Adieu Alger, il est envoyé en banlieue parisienne chez son oncle et sa tante, un couple sans enfants, érudit, fortuné, des républicains purs et durs. Le petit Fernand, brun, fossette au menton, grandit bercé par leurs idéaux. Alors, en 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il ne rêve que d'une chose, prendre les armes et aller bouffer les frites, comme il dit. On est très sérieux quand on a 17 ans. Mais ses parents adoptifs veillent au grain, passent en bac d'abord. Or, l'histoire s'accélère, pour le pire. Le 17 juin 1940, le jeune maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement français, appelle à cesser le combat. La France est vaincue, elle s'apprête à sombrer dans le déshonneur. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. À l'écoute de son poste de radio, le jeune Fernand Bonnier de la Chapelle enrage. Il voudrait agir, combattre, s'envoler pour l'Angleterre, rejoindre les forces françaises libres. Son oncle écrira, son caractère enthousiaste et décidé ne lui permettait pas d'admettre les réalités affreuses du moment. Le 11 novembre 1940, l'adolescent fait partie des quelques milliers d'étudiants réunis sur la tombe du soldat inconnu, place de l'Étoile, pour crier leur hostilité à l'occupant allemand. Les manifestants le paieront à coups de matraque et d'arrestation. Et l'on s'en souviendra comme la première grande manifestation de résistance parisienne. Fernand en sera d'homme, mais son oncle et sa tante redoutent qu'il ait été repéré. Il doit quitter la zone occupée au plus vite. Retour à l'envoyeur, l'adolescent embarque pour Alger, où il pourra finir ses études et renouer avec son père, Eugène, désormais journaliste à la Dépêche algérienne. Le bac enfin en poche, Fernand cherche de nouveau un moyen pour rejoindre Londres. Il candidate à l'armée de l'air dans l'idée de voler un avion. Le projet avorte et il s'engage finalement, avec un an d'avance, dans les chantiers de la jeunesse en Algérie, sorte de service militaire obligatoire, symbole de la révolution nationale du maréchal. Mais si on veut apprendre à se battre, c'est là qu'il faut être. En Algérie, à l'école des chantiers de la jeunesse de Fort-de-Lau, le gouverneur général Châtel vient présider au baptême de la promotion des élèves chefs musulmans et des futurs chefs d'équipe. Dès aujourd'hui, déclarait le gouverneur général aux nouveaux promus, vous coopérez à l'œuvre française musulmane. Vous devenez mes collaborateurs. Et c'est ensuite la prestation de serment de fidélité à la France et au maréchal. Fernand se plaît bien au chantier de la jeunesse. Il gagne même quelques galons avant d'être rattrapé par son caractère bien trempé. En juillet 1942, il est renvoyé pour impertinence et indiscipline. Il pense alors à continuer ses études et s'inscrit à la faculté de Lyon. Le 7 novembre 1942, le voilà donc sur le port d'Alger, prêt à embarquer. Son bateau pourtant ne lèvera jamais l'ancre. Toute la ville est en alerte, tout s'arrête. Un immense convoi allié transportant les troupes anglo-américaines a été repéré à l'approche de la Méditerranée. Mais ils ne sont que quelques centaines à savoir réellement ce qui se prépare, dans l'ombre, depuis des mois, sous le nom de code Opération Torche. La décision fut prise le 22 juillet. Churchill avait persuadé Roosevelt d'ouvrir un second front en Afrique du Nord. Ce fut l'opération Torche. On avait prévu 250 000 hommes. Quand les convois s'ébranlent d'Angleterre, d'Irlande et d'Amérique, ils n'en emportent que 113 000. Et le 8 novembre au matin, l'opération Torche est en cours. 204 navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon. À Oran, où sont parachutés des hommes, les circonstances sont analogues. Il en ira autrement d'Alger. Ici, l'arrivée des Alliés a été préparée par des résistants de la première heure. On les appelle le groupe des cinq. Il y a là Jacques Lemaigre Dubreuil, puissant industriel des huiles de Sieur, le journaliste Jean Rigaud, le diplomate Tarbé de Saint-Ardouin, le colonel Van Eck, chef des chantiers de jeunesse en Afrique du Nord, et un certain François d'Astier de la Vigerie, 50 ans, monarchiste, un personnage fascinant, on y reviendra. Main dans la main avec Robert Murphy, le représentant personnel de Roosevelt à Alger, le groupe des cinq œuvre pour remettre la France dans la guerre et recrute des centaines de jeunes gens qui, le moment venu, quadrillons Alger. Il leur faut s'y trouver un chef respecté et obéi qui appellera à l'insurrection en Afrique du Nord. Un nom vient à l'esprit, bien sûr, le général de Gaulle. Mais ici, on n'aime pas beaucoup. Les colonies restent fidèles au maréchal. Alors qui? Les Américains penchent pour le général Giraud. Prisonnier des Allemands depuis 40, il vient de s'évader avec éclat. Après quelques réticences, Giraud accepte. Alors, dites, il viendra se mettre à la tête des forces françaises en Afrique du Nord. L'heure H, c'est 1830, en ce 8 novembre 1942. Aussitôt, 400 conjurés armés de vieux fusils envahissent les rues d'Alger et s'emparent des points stratégiques. Préfecture, police, poste, centrale téléphonique, résidence officielle. À 2h du matin, la ville est à eux, les Américains peuvent débarquer en toute sécurité. Mais à l'aube, les troupes alliées ne sont toujours pas là. Le général Giraud non plus. Robert Murphy est inquiet. Il le sait, les conjurés ne pourront pas tenir éternellement leur position. Pour le moment, les autorités de Vichy dorment. Oui, mais après. La suite, c'est l'historien Alain Decaux qui la raconte en 1979 dans sa célèbre émission « Alain Decaux raconte ». Et Murphy décide de jouer le tout pour le tout. Il se rend chez le général Juin qui commande toutes les forces d'Afrique du Nord. Général, les Américains arrivent. Vous n'allez pas faire tirer sur eux. Général Juin est un homme droit. Il n'aime pas particulièrement les Allemands. Il n'a pas du tout envie de faire tirer, mais il dit « Mais écoutez, moi je veux bien interdire toute défense. Mais il y a quelqu'un au-dessus de moi, c'est Darlan. Si je donne des ordres, Darlan peut donner des contre-ordres. » Et oui, c'est lui la clé du problème, et peut-être de la solution d'ailleurs. François Darlan, 61 ans et presque autant de médailles. Si la France possède à l'époque la marine la plus puissante de son histoire, c'est grâce à lui, dit-on. Juste avant la guerre, il reçoit même le titre inédit d'amiral de la flotte. Mais à l'heure de la défaite, il choisit le camp de la résignation. En juin 40, le maréchal Pétain le nomme ministre de la Marine. 8 mois plus tard, il est promu vice-président du Conseil à la place de Pierre Laval. Mieux, Pétain en fait son successeur désigné. Sans hésitation, Darlan poursuit alors une politique de collaboration active, convaincu de la victoire de l'Allemagne. Par 2 fois, il est reçu par Hitler. Mais le Führer peine à prendre au sérieux ce tacticien sans grande envergure. D'ailleurs, les Allemands exigent le retour de Laval. Au printemps 42, Pétain s'exécute, mais l'amiral Darlan restera son dauphin et le commandant en chef de toutes les forces armées françaises. Le 8 novembre 1942, lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord, c'est un peu par hasard qu'il se trouve à Alger. Son fils, atteint d'une poliomyélite, est hospitalisé à l'hôpital Mayo, entre la vie et la mort. Voilà pourquoi le général Juin ne peut rien promettre à Robert Murphy. Car au-dessus de lui, il y a Darlan, et c'est avec lui que les Américains devront en pleine nuit négocier le tournant de cette guerre. Bien, dit Murphy, qui décidément joue un coup de poker fabuleux. Je vais voir Darlan, on appelle Darlan au téléphone, on est en pleine nuit, Darlan dort. On lui apprend que les Américains arrivent. Imaginez, Darlan, abasourdi. Et quelques instants plus tard, le voilà, chez Juin, en face de Murphy, avec son complet croisé, petit, chauve, nerveux. S'écriant, je savais que les Anglais étaient des idiots, mais je ne savais pas que les Américains étaient des gaffeurs à ce point-là. Et Murphy qui plaide, qui dit, mais amiral, c'est une occasion en or pour vous, saisissez-la. Je ne peux pas, dit Darlan, je ne peux pas. Il y a le maréchal. On a le procès-verbal de cette entrevue, on a même la sténographie. Et quand on la lit, on comprend le problème de Darlan. Il sera relié volontiers au débarquement. Mais est-ce un vrai débarquement? Alors il décide d'attendre, il envoie successivement des messages au maréchal qui répond d'une manière évasive par un fil secret. Vous avez ma confiance. Est-ce que c'est un blanc-seing? Le jour s'est levé. Sur les plages, les Américains commencent enfin à débarquer. En attendant que l'amiral Darlan se décide, on s'entretue au Maroc et à Oran, des milliers de morts et de blessés dans chaque camp. En Tunisie, où les Allemands ont aussitôt lancé un pont aérien, les troupes vichysoises ne savent pas si elles doivent se rallier ou combattre. Les forces ennemies ont alors le temps de s'installer. Et c'est seulement dans l'après-midi du 8 novembre que les premiers Américains arrivent enfin dans Alger. À 22h, l'amiral Darlan, acculé, ordonne le cessez-le-feu. La ville blanche capitule. Mais sur les autres fronts, il appelle à poursuivre le combat au nom du maréchal, dit-il. En sous-main, les négociations s'intensifient. 2 jours plus tard, le 10 novembre 42, Darlan finit par céder. L'Empire africain français entre en guerre aux côtés des Alliés, oui, contre l'Allemagne et l'Italie. Au nom du maréchal, ajoute-t-il encore. Pourtant, à Vichy, il est officiellement désavoué. Dans les jours qui suivent, Darlan, activement soutenu par les Américains, prend en main l'administration et crée un haut commissariat, puis un conseil d'empire à Alger. Cette fois, le marin galonais ne manque pas de stratégie. Il fait arrêter les conjurés gaullistes, mais intègre le groupe des 5 à son gouvernement. Henri d'Astier de la Vigerie, le résistant monarchiste, devient le chef de toute la police d'Afrique du Nord. Quant au général Giraud, il est enfin arrivé à Alger après un long voyage. Mais trop tard, il se range sous les ordres de Darlan. Mais en Angleterre et aux États-Unis, la presse, l'opinion se déchaînent. Mais enfin, comment les Américains osent-ils négocier avec ce traître de Darlan, cet apôtre de la collaboration? Winston Churchill condamne publiquement cette alliance contre nature. Le président Roosevelt lui s'en défend. Darlan n'est pour eux, les Américains, qu'un expédient provisoire. La priorité, c'est de s'assurer à Alger d'une base arrière sûre, tandis qu'en Tunisie, les combats font rage. De son côté, le général de Gaulle est furieux. Lui qui croyait incarner la France libre, on n'a même pas prévenu du débarquement en Afrique du Nord. Il a l'impression d'avoir été trahi par les Américains, abandonné par les Anglais. Pourtant, l'homme du 18 juin se prononcera sans réserve pour l'aide aux Alliés. Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos Alliés. Joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en adjure. Ne vous souciez pas des noms ni des formules. Une seule chose compte, le salut de la patrie. Bientôt, on le sait, en métropole, les Allemands vont envahir la zone libre. Bientôt aussi commence pour l'amiral Darlan une étrange période de 6 semaines à la fin de laquelle il trouvera la mort. Son assassin, Fernand Boyer de la Chapelle, n'a pas pu prendre le bateau pour Marseille. Il est à Alger. Il a rejoint les conjurés. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi. Ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Depuis la défaite de 1940, le jeune Fernand Boyer de la Chapelle n'a eu qu'un rêve. Rejoindre l'Angleterre pour se battre aux côtés des forces françaises libres. Un rêve sans cesse empêché, jusqu'à cette nuit du 8 novembre 1942. Alors qu'il devait quitter Alger, les Alliés viennent à lui. Le débarquement des troupes anglo-américaines ouvre en Afrique du Nord un second front. Enfin, Fernand est exactement à l'endroit où il veut être. 5 jours plus tard, le 13 novembre 1942, il se présente au QG des Conjurés, ces jeunes résistants, gaullistes et juifs, pour la plupart, qui ont facilité le débarquement des Alliés en Algérie. Si l'opération militaire fut un succès, ils se sentent profondément trahis par les Américains, eux qui ont permis à l'amiral Darlan, ce collabo opportuniste, de prendre le pouvoir. Quelques conjurés choisissent alors d'intégrer le French Commando, une unité armée et financée par les Britanniques, où se retrouvent tous ceux qui veulent combattre l'Allemagne sans intégrer l'armée d'Afrique, fidèle au maréchal. Fernand ne se fait pas prier, il rejoint aussitôt les nouvelles recrues du French Commando, installées au Cap Matifou, près d'Alger. Dans une lettre, l'un d'eux raconte. Nous sommes entièrement habillés en anglais. Nous avons tout ce qu'ils ont, depuis la nourriture, l'uniforme, jusqu'à la brosse à cheveux et la brosse à dents. enfin tout comme eux. Et pour manger, je te dis que ça, du pain plus blanc que la neige. Nous n'arrivons pas à manger tout ce que nous avons en beurre, bacon, jambon, fruits. Le corned beef, nous ne pouvons plus en manger tellement nous sommes dégoûtés. En dehors de ses heures de service, Fernand se rend régulièrement à Alger chez sa nouvelle petite amie, Monique. Elle habite aux deux rues Lafayette. Le hasard fait bien les choses. Dans ce même immeuble vit aussi le fameux Henri d'Astier de la Vigerie, souvenez-vous, le résistant monarchiste, membre du groupe des cinq et chef de la police au sein du gouvernement d'Arlan. Par des connaissances communes, Fernand est introduit, immédiatement séduit par la personnalité d'Henri d'Astier, élégant, sincère, enthousiaste. D'aucuns diront comploteur aussi, car il s'est rapproché de l'amiral d'Arlan, et s'il s'en est rapproché, c'est pour mieux s'en débarrasser. Il faut dire que dans les jours et les semaines qui suivent le débarquement, la situation politique du haut-commissaire est de plus en plus instable. Honnie à la fois par les pétainistes, les gaullistes, les alliés, les allemands, tout le monde quoi. Dans les milieux, les politiques, on se demande bien pourquoi Darlan, l'expédient provisoire, est toujours là. Et peu à peu, on se convainc qu'il devrait partir. Mais qui pour le remplacer? De Gaulle n'est pas une option en Afrique du Nord. Henri d'Assier de la Vigerie et son groupe des cinq ont bien une petite idée, pour le moins audacieuse. Le comte de Paris, prétendant à la couronne de France, qui se retrouve en ce moment même au Maroc. Les contacts sont pris, des émissaires font le voyage, et monsieur le comte se laisse tenter. Mieux, début décembre, il se rend officieusement à Alger. Bien, mais comment compte-t-il prendre le pouvoir? Explication sur France Inter en 1999, dans l'émission Rendez-vous avec X. Les comploteurs du groupe des cinq ont assez habilement combiné leurs coups. L'un d'eux s'est souvenu d'une loi pratiquement oubliée, la loi de Trévenoc. Expliquez. Cette loi, votée au tout début de la Troisième République, stipulait qu'en cas de vacance de l'Assemblée nationale, les conseils généraux pourraient désigner des délégués qui, une fois rassemblés, assumeraient la responsabilité de l'administration du pays. Oui, les conseils généraux algériens désignent des délégués, ces délégués se réunissent. Et très légalement, ils désignent un nouveau chef d'État. Le comte de Paris. Bien sûr. Vouloir en appeler un descendant du trône, décidément, cette période troublée, la République n'est pas dans son assiette. Et au-delà, ce plan est illégal. Non, bien sûr, les comploteurs ont pris de grandes libertés avec la loi Trévenoc. Cette assemblée n'en a aucune façon le pouvoir de désigner le chef de l'État. D'ailleurs, les présidents des conseils généraux algériens hésitent à se lancer dans l'aventure. Les comploteurs, eux, veulent y croire. On fixe la date des démarches officielles auprès de l'amiral d'Arlan au 19 décembre 1942. Mais ce jour-là, arrive quelqu'un que l'on n'attendait pas. Le général François d'Astier de la Vigerie, le frère d'Henri, l'un des adjoints du général de Gaulle à Londres. Aujourd'hui, il vient en émissaire rencontrer le général Eisenhower, puis le général Giraud et l'amiral d'Arlan, qu'il refuse de regarder dans les yeux. Le soir venu, il retrouve son frère Henri chez lui, aux deux rues Lafayette, où est aussi logé le comte de Paris, alité pour paludisme. Les deux hommes lui parlent de leur complot monarchiste, une solution au-dessus des partis et des factions, disent-ils. François d'Astier de la Vigerie n'est pas contre, mais à une seule condition. Qu'une fois au pouvoir, le comte de Paris s'engage à appeler immédiatement le général de Gaulle à Alger. François d'Astier repart en laissant 40 000 dollars sur la table. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Après le feu vert des gaullistes, les comploteurs doivent maintenant s'assurer du concours des Américains, sans qui rien n'est possible, évidemment. La réponse de Robert Murphy, l'envoyé spécial de Roosevelt, et du général Eisenhower est sans appel. C'est un veto absolu, genre, ils sont fous, ces Gaulois. Et c'en est terminé du complot monarchiste, à moins que Darlan ne disparaisse, définitivement. Le trône vide, le comte aura peut-être une chance. Le 21 décembre, aux deux rues Lafayette, une conversation s'engage entre Henri d'Astier, sa femme, le comte de Paris, toujours alité, et l'abbé Cordier, prêtre dans le civil, lieutenant résistant et monarchiste, un Jekyll et Mr. Hyde de la période d'occupation, et surtout, de toutes les combines. Alors, que se disent-ils exactement? Les versions diffèrent selon les époques et les protagonistes, mais tout laisse à penser que c'est le comte de Paris qui propose le premier de faire assassiner Darlan. En 1979, dans son émission Alain Decaux raconte, l'historien exhume une lettre écrite par la femme d'Henri d'Astier de la Vigerie. Le sous-signé, Madame Henri d'Astier, atteste avoir assisté le 21 décembre 1942 à un entretien entre le comte de Paris, l'abbé Cordier et mon mari, dans l'appartement que nous habitions, 2 rue Lafayette à Alger. Le comte de Paris, alité avec une crise de paludisme, avait à sa droite mon mari, à sa gauche l'abbé Cordier, et en face moi. J'atteste que le comte de Paris nous fit la déclaration suivante. L'amiral Darlan doit être éliminé. Il faut le faire disparaître. Mon mari ayant posé la question par tous les moyens, le comte de Paris répéta par tous les moyens. Mon mari, après un silence, s'adressant à l'abbé, lui dit alors l'abbé, à vous de jouer. Maintenant, il faut agir, et c'est à l'abbé Cordier que revient la charge d'organiser l'assassinat. Il sait qu'au Cap Matifou, dans les rangs des corps francs d'Afrique et du French Commando, la colère des jeunes gaullistes grandit, la haine de Darlan est sur toutes les lèvres. On dit d'ailleurs qu'un soir, 4 garçons ont tiré son sort à la courte paille. Parmi eux, Fernand Bonnier de la Chapelle, et c'est lui qui a gagné, ou perdu peut-être, car c'est lui qui tuera l'amiral Darlan. Aux 2 rue Lafayette, les intérêts convergent. L'abbé Cordier cherche une main pour tenir le revolver. Fernand se propose sans hésitation. Au soir du 23 décembre 1942, il lui remet les plans du palais d'été où réside l'amiral, lui montre la fenêtre d'où il s'échappera. Elle sera ouverte, qu'il ne s'inquiète pas. Et puis, de toute façon, si on l'arrête, le groupe des 5 viendra le sauver. Mais avant, ajoute l'abbé Cordier, il faut que tu te mettes en règle avec le bon Dieu. Le lendemain matin, veille de Noël, Fernand se confesse, et les voies du Seigneur étant négociables, l'abbé lui donne à l'avance l'absolution. La suite, vous la connaissez. À 15h, ce 24 décembre 1942, Fernand Bonnier de la Chapelle est conduit au palais d'été. Quelques minutes plus tard, 5 coups de feu retentissent. L'amiral Darlan est mort, Fernand est arrêté. Le soir même, il est interrogé longuement par le commissaire Garedacci. Dans ses premiers aveux, Fernand affirme avoir agi seul, de sa propre initiative, pour supprimer ce traître de Darlan. D'ailleurs, s'il l'avait pu, il aurait tué aussi le maréchal, tant qu'à faire. Mais, dans la nuit, Garedacci revient, et Fernand lui fait de nouveaux aveux. Sur une seule page, le procès-verbal semble donner le fin mot de l'histoire. Extrait. J'affirme avoir tué l'amiral Darlan, haut commissaire en Afrique française, après en avoir référé à M. l'abbé Cordier sous forme de confession. C'est M. Cordier qui m'a remis le plan des bureaux du haut commissariat. Et c'est par lui que j'ai pu me procurer le pistolet et les cartouches qui m'ont servi à exécuter ma mission. Je sais que messieurs Cordier et Dastier ont rencontré récemment le comte de Paris, mais au même titre qu'ils rencontraient d'autres personnalités. Pourtant, le commissaire Garedacci n'ajoutera pas ses nouveaux aveux au dossier. Il les gardera pour lui, cachés dans un coffre-fort du commissariat. Pourquoi ? Était-il de mèche avec le groupe des 5 ? Voulait-il les protéger ou juste assurer ses arrières ? On ne le sait pas. La suite, en revanche, est connue. Toute la journée du 25 décembre 1942, aux 2 rue Lafayette, on cherche par tous les moyens à organiser l'évasion de Fernand. Son père, Eugène Bonnier de la Chapelle, est là, lui aussi, accompagné de son avocat. On intercède auprès du général Giraud, qui a finalement succédé à feu l'amiral Darlan. Mais il ne veut rien entendre. Il prône sévérité, comme les Américains. Alors, à 18h30, un tribunal militaire se réunit à la hâte. Quelques minutes plus tard, la sentence tombe. Fernand Bonnier de la Chapelle est condamné à mort. Il sera exécuté le lendemain. Lors de sa dernière nuit, Fernand n'aura eu de cesse d'y croire. « On va venir me libérer », se répète-t-il. « Je le sais, on me l'a promis. » Mais à l'aube, il commence à douter. Et puis l'aumônier est déjà là. Il écrit alors une première lettre à son père. « Mon vieux papa, ne te désole pas si je dois mourir. » Eh bien, tant pis. L'essentiel, vois-tu, c'est que toi et moi soyons certains que cette mort n'est pas inutile. Et je sais que si maintenant mon crime paraît une stupidité, on s'apercevra plus tard qu'il était au moins inspiré par de bien beaux sentiments. Je suis certain que tu me pardonnes tous les coups de gueule que nous avons eus ensemble. Mais je tiens à te demander encore pardon. Si tu revois un jour oncle et tante, tu sauras, j'en suis certain, leur faire comprendre tout l'amour que j'avais pour eux. Tâche de voir Monique. Cette pauvre Monique. Dis-lui qu'au fond, je l'aimais bien. Mais la vie est faite de tant d'impondérables. Au revoir, vieux papa. Je vous embrasse du plus profond de mon cœur. Fernand. À 7h30, Fernand est amené au champ de tir de Hussein Dey, près d'Alger. Un poteau, un peloton d'exécution, il ne tremble pas. 12 balles. Quelques heures plus tard, le comte de Paris obtient enfin une audience auprès du général Giraud. Il le supplie de gracier Fernand. Trop tard, le jeune homme est mort. Il avait 20 ans. Un enfant, écrira de Gaulle, animé d'une juvénile fureur. Le comte, lui, regagnera le Maroc avec ses rêves obsessionnels de faire couler le sang bleu dans les veines de la France. Giraud règnera seul à Alger avant que le général de Gaulle ne le rejoigne. L'histoire poursuit son cours. Aujourd'hui, sur la tombe de l'amiral François Darlan, on peut lire « Mort pour la France ». Sur la tombe de Fernand Bonnier de la Chapelle, on lit ces mêmes mots « Mort pour la France ». Peut-être un jour, ajoutera-t-on sur la tombe du second et seulement du second « Et pour la liberté ». Les fleurs, les jardins, les jets d'eau, les sourires et la douceur de vivre. Un homme est là par terre et baigne dans son sang. Les souvenirs, les fleurs, les jets d'eau, les jardins, les rêves enfantins. Un homme est là, par terre, comme un paquet sanglant. Les fleurs, les jets d'eau, les jardins, les souvenirs et la douceur de vivre. Un homme est là, par terre, comme un enfant. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat de l'amiral Darlan, dont nous allons parler avec notre invitée, l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la période de l'occupation, autrice de nombreux ouvrages. En 2019, vous avez signé aux éditions Perrin une biographie inédite, et alors réellement passionnante, hein, digne d'un polar, de Fernand Bonnier de la Chapelle, intitulée « Une juvénile fureur ». Vous avez repris la belle expression du général de Gaulle. Oui, les propos du général de Gaulle, puisque Fernand Bonnier de la Chapelle fait partie des rares personnes auxquelles le général de Gaulle a consacré une page dans ses mémoires. Comment êtes-vous arrivé à travailler sur ce personnage dont vous dites vous-même, je crois qu'il est le prototype de l'illustre inconnu qui entre abruptement dans l'histoire pour en sortir aussitôt, ce qui est absolument vrai. Et c'est tout à fait vrai. En fait, c'est un jeune homme dont le nom se retrouve absolument partout dès qu'on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale et sur lequel on pensait savoir trois ou quatre choses. Qu'il avait 20 ans, qu'il était royaliste, qu'il appartenait au chantier de la jeunesse. Et en fait, la moitié de ces informations sont pas tout à fait vraies ou méritent correction. Et j'ai découvert, grâce aux archives de la famille Bonnier de la Chapelle, les premières pistes sur qui était vraiment Fernand Bonnier de la Chapelle, et puis j'ai déroulé la pelote des archives à partir de là. Et alors, parce que il vient d'une famille, les Bonniers de la Chapelle sont le nom est assez aristocrate quand même. Oui, oui, oui. Bon, mais lui est éduqué de façon républicaine. Absolument. D'ailleurs, le nom Bonnier de la Chapelle, c'est un arrangement d'un ancêtre de Fernand Bonnier de la Chapelle. Ce sont des bonniers bretons tout court, hein. Ah, d'accord. Voilà, qui après des tribulations dans l'Empire français et puis sous le Second Empire un peu partout en Europe, ont ajouté ceux de la Chapelle. Voilà. Ce qui fait un joli nom, un Bonnier de la Chapelle. Absolument. C'est... Et comme leur nom ne l'indique pas, ils sont italiens, en réalité, puisque c'est là qu'ils ont fait souche, mais en fait, ils sont restés de nationalité française, et à toutes les générations, il y a des garçons de la famille qui reviennent en France, et je dirais qu'ils font assaut de patriotisme, puisque les grands-oncles de Fernand Bonnier ont été ce qu'on appelait au 19e siècle des bâtisseurs d'empire, hein, le conquérant de Tombouctou est un de ses grands-oncles. Son père s'est engagé à 17 ans pendant la Première Guerre mondiale, et donc, très naturellement, il va avoir envie de suivre l'exemple de ses ancêtres. Et puis, oui, il est élevé dans une famille très républicaine. Voilà. Alors, si dans ses veines ne coulait que le sang des vrais républicains, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce complot monarchiste? Alors, en fait, comme vous l'avez très bien raconté, c'est un jeune homme qui, depuis juin 1940, essaie désespérément d'aller se battre contre les Allemands aux côtés des Anglais et des Français du général de Gaulle, et qui n'y arrive jamais, sans cesse contrarié par le destin. Mmh. Et lorsque enfin les Alliés sont venus en quelque sorte à lui en Afrique du Nord en novembre 42 et qu'il s'est engagé dans une unité de commando britannique, il attend de partir se battre sur le front contre les Allemands en Tunisie. Et là, encore une fois, on lui dit qu'il n'est pas assez expérimenté, qu'il ne peut pas commander au front, donc il va devoir rester à Alger. Et c'est de dépit, en quelque sorte, qu'il se propose, effectivement, de lui-même à l'abbé Cordier, qui cherche quelqu'un, soit pour abattre, soit au moins pour faire peur à l'amiral d'Arlan. Alors, il se passe 48 heures entre l'arrestation et l'exécution. Même pas. Oui, oui. Je disais, peut-être s'agit-il d'un deuxième assassinat. En tout cas, c'est vrai qu'il est éliminé avec une hâte difficile à comprendre. Et je dirais, moyennant des procédures judiciaires qui sont toutes sauf respectueuses de l'état de droit. Effectivement. Et puisque... En fait, l'assassinat a lieu le 24 décembre à 15h, il est arrêté immédiatement. Le procès a lieu le 25 décembre à 18h30 et il est exécuté le 26 décembre à 7h30. L'amiral d'Arlan n'a même pas eu encore le temps d'être enterré. Voilà, donc on veut le tuer et vite. Oui. Mais qui ? Alors, on ne sait pas officiellement, mais il y a des hypothèses, les historiens sont penchés sur, et vous-même. Oui. Quelle est l'hypothèse vers laquelle on pourrait pencher, qui serait la plus rationnelle ? Alors, le décideur est le général Giraud, qui se vante de ne pas être un politique et de simplement faire la guerre, et au fond, qui n'a qu'une seule obsession, l'ordre public. Et il souhaite se débarrasser de Fernand Bonnier de la Chapelle et faire un exemple. Il dira, s'il avait tant envie de se faire tuer, il n'avait qu'à aller se faire tuer sur le front. Voilà. Donc, il n'y aura aucune mesure de clémence. C'est vrai que ceux qui lui ont promis de l'aider s'y sont pris, en dépit du bon sens, s'y sont pris très mal. Bon, ils n'ont pas eu, beaucoup de temps. Non. Également. Mais enfin, ils auraient pu faire une opération commando. On en a vu d'autres, des opérations d'exfiltration. Et c'est vrai que là, ils perdent leur temps toute la nuit précédente en aller et venu, menaces voilées, chantage feutré, bon, sans obtenir aucun résultat. Les Américains s'abstiennent, pour une fois, je dirais, d'intervenir dans les affaires françaises. Et au fond, Fernand Bonnier de la Chapelle est passé à la trappe en quelques heures. On se retrouve dans 3 minutes, Bénédicte Vergès Chénion, pour continuer à parler du destin de ce jeune homme et de l'histoire de la France à cette période troublée, à ce moment très précis de son histoire. On écoute Matt Berninger, No More Second. The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. To dry my eyes, give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, you're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. D'étudier les hypothèses qui est derrière cette exécution de ce jeune résistant. On a parlé de Gérald Giraud, évidemment. On va écouter ensemble la vie, l'analyse de l'historien Bernard Costagliola. Vous aviez par ailleurs, je le rappelle, évoqué l'assassinat de l'amiral Darlan dans l'un de vos ouvrages, Les Secrets de Vichy, chez Perrin en 2015. Et comme cette affaire est en effet depuis toujours entourée de secrets, de mystères, on voit un nouveau témoignage. Donc cette archive du 28 janvier 2010, extraite de l'émission 2000 ans d'histoire sur France Inter, c'est donc l'historien Bernard Costagliola qui me parle. Quelque chose en lien avec cette question m'a étonné dans les dernières recherches que j'ai faites dans les archives anglaises, c'est le nombre vraiment important de documents manquants, de documents gelés, et ce, pour une période encore importante, jusqu'en 2016, et en précisant que ces documents pourraient être encore, seraient encore sujets à un gel supplémentaire. Et si vous voulez, j'ai pris l'assassinat de Darlan de l'autre côté, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait bien gêner les Anglais tant que ça, puisqu'ils se sentent encore obligés de geler des archives. Et j'avoue que je ne vois pas d'autres, véritablement d'autres sujets qui fâcheraient autant que l'assassinat de Darlan. Vous sous-entendez peut-être que l'Angleterre est derrière. Ah ben, ouais. Ça a été une thèse qui a été avancée. Elle n'est pas prouvée, mais ça a été avancée. Que pensez-vous de la thèse avancée par votre confrère Bernard Costagliola? Bernard Costagliola est un ami, mais que dire? En fait, dès lors qu'il y a assassinat politique par un très jeune auteur d'assassinat politique, on cherche toujours la main qui a armé le jeune assassin. C'était le cas sur la Troisième République avec des présidents, d'ailleurs. Et absolument. Et en fait, toutes les hypothèses ont eu cours. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à l'origine de l'attentat, on pense que ça peut être un Allemand ou un Italien. Et après tout, lui est d'origine italienne, Fernand Bonnier de la Chapelle. Ensuite, on va chercher la main des Anglais, puisque Fernand Bonnier de la Chapelle appartient à une unité militaire britannique. Et puis, on va chercher la main des gaullistes, puisque le général d'Astier de la Vigerie vient de passer à Alger, de voir son frère Henri, de déposer de l'argent. Oui. Voilà. Et puis le régime de Vichy, pourquoi pas les... Mais ça voilà, paraît, la ça, liste, ça paraît presque le plus évident. La liste est très très longue. Et puis bien entendu le complot monarchiste voilà. Qui est je dirais à l'origine quand même du passage à l'acte. En fait, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Au bout du compte, ouais. Et du coup, j'avais même moi posé la question, qui ne voulait pas la mort de l'amiral Oui, c'est plus simple comme ça. Voilà. C'est plus direct. C'est plus direct. Après, est-ce que c'est sa mort qui était vraiment recherchée ou est-ce que c'était le fait qu'il quitte oui, le c'est pouvoir ça. L'empêcher de nuire, quoi. Voilà. C'est aussi possible qu'il se soit simplement agi de le pousser à partir plus vite que prévu. Après, on voit bien que, au fond, à part la bande monarchiste, tout le monde est pris de court quand même par la disparition de Darlan, y compris les Britanniques qui, au fond, n'en tirent rien sur le moment. Donc, à qui profite le crime ? C'est ça. Dans un premier temps, il semble qu'il profite au général Giraud, qui pourtant n'est pas soupçonné d'avoir instrumentalisé ce crime. Il aurait pu profiter au comte de Paris, mais qui va rater son affaire. Et à terme, il profitera au général de Gaulle. Je dis à terme parce que ça se produira à l'été 1943. Donc, voilà. Après, je pense que Fernand Bonnier de la Chapelle, lui, a saisi l'occasion d'entrer dans l'histoire, de faire quelque chose de grand et de marquer le destin de son pays, malheureusement ou heureusement, sans chercher plus loin au niveau des implications politiques. En tout cas, la forme de votre livre, cette biographie inédite de Fernand Bonnier de la Chapelle, c'est un vrai livre d'historienne, bien sûr, mais c'est aussi un livre de récit, sans notes en bas de page, j'aurais presque dire à la manière d'Affaires Sensibles. Oui, parce que je me suis dit que c'était sans doute disproportionné d'écrire une biographie universitaire d'un jeune homme mort à 20 ans. Ouais. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle j'ai souhaité proposer un récit eh bien, qui restitue la vie courte et intense d'un illustre inconnu. Bravo en tout cas. Et merci Bénédicte Vergès-Chégon. Votre livre est passionnant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de l'amiral Darlan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Louis Aubert qui était à la technique. Aujourd'hui, merci à toute l'équipe, puisque nous sommes vendredi, qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Mora, Jeanne Maillère, Robin Weber et Margot Pinel. Attaché de production, Rebecca Denante. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Aurélien Labrouillère. Philippe Pira. Réalisation, Marion Le et Benjamin Riquet.